Quatrième journée, chapitre 2. Ce jour-là, le lundi, l'affluence fut énorme à la grotte. C'était le dernier jour que le pèlerinage national devait passer à Lourdes. Et le père Fourcade, dans son instruction du matin, avait dit qu'il fallait faire un suprême effort d'amour et de foi pour obtenir du ciel tout ce qu'il voudrait bien donner de grâce, de guérison prodigieuse. Aussi, dès 2 heures de l'après-midi, 20 000 pèlerins étaient là, fiévreux, agités des plus ardents espoirs. De minute en minute, le flot croissait toujours, à tel point que le baron Suire, effrayé, sortit de la grotte pour répéter à Berthaud : « Mon ami, nous allons être débordés, c'est certain. Doublez vos équipes, rapprochez vos hommes. » L'hospitalité de Notre-Dame de Salut se trouvait seule chargée du bon ordre, car il n'y avait là ni gardien ni policier d'aucune sorte, et c'était pourquoi le président de l'association s'inquiétait ainsi. Mais Berthaud, dans les circonstances graves, était un chef écouté d'une énergie rassurante. « Soyez sans crainte, je réponds de tout. Je ne bougerai pas d'ici tant que la procession de 4 heures n'aura pas défilé. » Cependant, il appela Gérard d'un signe. « Donne à tes hommes la consigne la plus sévère, qu'ils laissent passer les seules personnes munies d'une carte. Et rapproche-les, dis-leur de tenir la corde fortement. » Là-bas, sous les lierres qui drapaient le roc, la grotte s'ouvrait avec l'éternel brasillement de ses cierges. De loin, elle apparaissait un peu écrasée, irrégulière, bien étroite et modeste pour le souffle d'infini qui en sortait, pâlissant et courbant toutes les têtes. La statue de la Vierge n'était plus qu'une tache blanche qui semblait mouvante dans le frisson de l'air, chauffée par les petites flammes jaunes. Il fallait se hausser. On distinguait mal derrière la grille l'autel d'argent, l'orgue harmonium tiré de sa housse, le tas de bouquets jetés, les ex-voto bariolant les parois fumeuses. Et la journée était admirable. Jamais encore un ciel plus pur ne s'était élargi au-dessus de l'immense foule. La douceur de la brise, surtout, paraissait délicieuse après l'orage de la nuit, qui avait fait tomber la chaleur trop pesante des 2 premiers jours. Gérard dut jouer des coudes pour répéter les ordres. Des poussées se produisaient déjà. « Encore 2 hommes ici. Mettez-vous 4 s'il le faut, et tendez bien la corde. » C'était instinctif, invincible. Les 20 000 personnes qui étaient là se trouvaient comme attirées par la grotte, allaient à elle par une irrésistible attraction, où une brûlante curiosité se mêlait à la soif du mystère. Tous les yeux convergeaient, toutes les bouches, toutes les mains, tous les corps étaient emportés vers le flamboiement pâle des cierges, vers la tache blanche, mouvante de la Vierge de marbre. Et pour que le large espace réservé aux malades, devant la grille, ne fût pas envahi par la cohue croissante, il avait fallu l'entourer d'une grosse corde que les brancardiers tenaient des 2 mains à des intervalles de 2 ou 3 mètres. Ceux-ci avaient l'ordre de ne laisser passer que les malades portant la carte qui les hospitalisait, ou bien les quelques personnes munies d'une autorisation spéciale. Ils se contentaient de soulever la corde, puis l'attendaient de nouveau, derrière les élus, sans écouter aucune supplication. Même, ils se montraient un peu rudes, glissant au plaisir d'user de cette autorité, dont ils étaient investis pour un jour. À la vérité, on les bousculait fort, et ils devaient se soutenir les uns les autres, résister de toute la solidité de leurs reins pour ne pas être emportés. Alors, pendant que les bancs devant la grotte et le vaste espace réservé se remplissaient de malades, de petites voitures, de brancards, la foule immense roula aux alentours. Elle partait de la place du Rosaire, elle se perdait au fond de la promenade, le long du Gave, et sur toute la longueur, le trottoir était noir de monde, une vague humaine si dense que la circulation s'y trouvait arrêtée. Sur le parapet, une ligne interminable de femmes assises, quelques-unes même debout afin de mieux voir, faisaient miroiter au soleil la soie de leurs ombrelles, des soies claires d'une gaieté de fête. On avait voulu conserver une allée libre pour amener les malades, mais continuellement elle était envahie, obstruée, de sorte que les voitures et les brancards restaient en chemin, noyés, perdus, jusqu'à ce qu'un brancardier les dégageât. C'était cependant un grand piétinement de troupeaux dociles, une foule d'une innocence, d'une douceur d'agneau, dont on n'avait à combattre que l'involontaire poussée, l'aveugle masse roulant vers la clarté des cierges. Jamais aucun accident n'était arrivé, malgré l'excitation qui peu à peu montait et la jetait au délire déréglé de la foi. Mais de nouveau, le baron Suire se fraya un passage. « Berthaud, Berthaud, veillez donc à ce que le défilé soit plus lent. Il y a des femmes et des enfants qu'on étouffe. » Cette fois, Berthaud eut un geste d'impatience. « Ah, dame, je ne puis pas être partout. Fermez la grille un instant, s'il le faut. » Il s'agissait du défilé qu'on organisait dans la grotte, pendant l'après-midi entière. On laissait entrer les fidèles par la porte de gauche, et ils sortaient par la porte de droite. « Fermez la grille !» s'écria le baron. « Mais ce sera pis. Tous viendront s'y écraser !» Justement, Gérard était là, qui s'oubliait à causer un instant avec Raymonde, debout de l'autre côté de la corde, tenant un bol de lait qu'elle portait à une vieille femme paralytique. Et Berthaud commanda au jeune homme de poster deux brancardiers à la porte d'entrée de la grille, avec la consigne de ne plus laisser passer les pèlerins que 10 par 10. Puis, quand Gérard eut exécuté cet ordre et qu'il revint, il retrouva Berthaud avec Raymonde, riant, plaisantant. Elle s'éloigna, les deux cousins la regardèrent pendant qu'elle faisait boire la paralytique. « Elle est charmante !» Et c'est décidé, tu l'épouses, n'est-ce pas? Je ferai ce soir ma demande à la mère. Je compte que tu m'accompagneras. Mais sans doute. Tu sais ce que je t'ai dit. Rien n'est plus raisonnable. L'oncle te casera avant 6 mois. Une poussée les sépara. Berthaud alla s'assurer par lui-même, à la grotte, si le défilé maintenant s'opérait avec méthode, sans bousculade. C'était, pendant des heures, le même flot ininterrompu de femmes, d'hommes, d'enfants, tous ceux qui voulaient, tous ceux qui passaient, venus du monde entier. Aussi, les classes se trouvaient-elles singulièrement mêlées, des mendiants en loques à côté de bourgeois cossus, des paysannes, des dames bien mises, des servantes en cheveux, des fillettes pieds nus, des fillettes pommadées, le front ceint d'un ruban. L'entrée était libre, le mystère s'ouvrait pour tous, aux incroyants comme aux fidèles, à ceux que l'unique curiosité poussait, comme à ceux qui pénétraient là, le cœur défaillant d'amour. Et il fallait les voir, tous presque aussi émus dans l'odeur tiède de la cire, un peu étouffés par cet air lourd de tabernacle qui s'amassait sous la roche, regardant à leurs pieds, par crainte de glisser sur les grilles de fonte. Beaucoup restaient ahuris, ne s'inclinaient même pas, examinaient les choses, avec la sourde inquiétude des indifférents égarés dans l'inconnu redoutable d'un sanctuaire. Mais les dévots se signaient, jetaient parfois des lettres, déposaient des cierges et des bouquets, baisaient le roc au-dessous de la Vierge, ou bien frottaient à cette place des chapelets, des médailles, les menus objets de piété, que ce contact suffisait à bénir. Et le défilé continuait, continuait sans fin, pendant des jours, pendant des mois, depuis des années. Et il semblait que toute la terre vint passer là, au fond de ce coin de rocher, toutes les misères et toutes les souffrances humaines à la file, dans cette sorte de ronde hypnotisée et contagieuse, en quête du bonheur. Lorsque Berthaud eut constaté que les choses, partout, s'organisaient le mieux du monde, il se promena en simple spectateur, surveillant ses hommes. Son inquiétude unique restait la procession du Saint-Sacrement, pendant laquelle une telle frénésie se déclarait que des accidents étaient toujours à craindre. Cette dernière journée s'annonçait fervente par le frisson de foi exalté qu'il sentait déjà monter de la foule. L'entraînement s'achevait, la fièvre du voyage, l'obsession des mêmes cantiques répétées sans fin, la hantise entêtée des mêmes exercices religieux, et toujours les conversations sur les miracles, et toujours l'idée fixée sur le flamboiement divin de la grotte. Beaucoup ne dormaient pas depuis 3 nuits, en arrivaient à un état de veille halluciné, marchant dans un rêve qui s'exaspérait. Aucun repos ne leur était laissé. Les continuelles prières étaient comme un fouet cinglant leurs âmes. Jamais les appels à la Sainte Vierge ne cessaient. Des prêtres se succédaient dans la chair, criant la douleur universelle, dirigeant les supplications désespérées de la foule, pendant tout le temps que les malades demeuraient là, devant la pâle statue de marbre, qui souriait, les mains jointes, les yeux au ciel. À ce moment, la chaire de pierre blanche, à droite de la grotte, contre le roc, se trouvait occupée par un prêtre de Toulouse, que Berthaud connaissait et qu'il écouta un instant, d'un air approbateur. C'était un gros homme, à la parole grasse, célèbre par ses succès oratoires. D'ailleurs, toute l'éloquence consistait ici en des poumons solides, en une façon violente de lancer la phrase, le cri, que la foule entière devait répéter. Car ce n'était guère qu'une vocifération, coupée d'avés et de pater. Le prêtre, qui venait d'achever le chapelet, tâcha de se grandir sur ses courtes jambes, jeta le premier appel des litanies qu'il inventait, qu'il conduisait à sa guise, selon l'inspiration dont il était possédé. « Marie, nous vous aimons !» Et la foule répéta d'un souffle plus bas, confuse et brisé, « Marie, nous vous aimons !» Dès lors, cela ne s'arrêta plus. La voix du prêtre sonnait à toute volée. La voix de la foule reprenait dans un balbutiement de douleur. « Marie, vous êtes notre seul espoir !»« Marie, vous êtes notre seul espoir !»« Vierge pure, faites-nous plus pure parmi les purs !» Vierge pure, faites-nous plus purs parmi les purs. Vierge puissante, sauvez nos malades. Vierge puissante, sauvez nos malades. Souvent, lorsque son imagination restait à court, ou lorsqu'il voulait enfoncer davantage un cri, jusqu'à 3 fois il le répétait, tandis que la foule, docile, le répétait également 3 fois. Frémissante sous l'énervement de cette lamentation obstinée qui augmentait sa fièvre. Les litanies continuèrent et Berthaud retourna vers la grotte. Ce qui défilait à l'intérieur avait, en faisant face aux malades, un spectacle extraordinaire. Tout le vaste espace entre les cordes était empli par les 1 000 à 1 200 malades que le pèlerinage national avait amenés. Et c'était, sous le grand ciel pur, dans la journée radieuse, le plus navrant pêle-mêle qu'on pût voir. Les 3 hôpitaux avaient vidé là leur salle d'épouvante. Au plus loin d'abord, sur les bancs, on venait d'entasser les valides, ceux qui pouvaient encore se tenir assis. Beaucoup étaient pourtant calés avec des coussins, d'autres s'épaulaient entre eux, les forts soutenaient les faibles. Puis, en avant, devant la grotte même, les grands malades restaient allongés. Les dalles disparaissaient sous ce pitoyable flot, une mare d'horreur élargie et stagnante. Il s'était produit un enchevêtrement de voitures, de brancards, de matelas inexprimables. Certains, dans des chariots, des gouttières, des sortes de cercueils, se soulevaient, dominaient, tandis que les plus nombreux, au ras de terre, semblaient couchés sur le sol. Il y en avait de vêtus étendus simplement sur les toiles à carreaux des matelas. On avait apporté les autres avec leurs literies. On ne voyait que leurs têtes et leurs mains pâles en dehors des draps. Peu de ces grabats étaient propres. Seuls quelques oreillers éblouissants de blancheur, ornés d'une broderie par une coquetterie dernière, éclataient, parmi la misère crasseuse des autres, un déballage de loques, des couvertures fripées, des linges éclaboussés de souillures. Cela poussait, serré, empilé au petit bonheur de l'arrivée. Des femmes, des hommes, des enfants, des prêtres, les gens déshabillés avec les gens vêtus, sous le plein jour aveuglant. Et toutes les maladies y étaient. L'affreux défilé qui, deux fois par jour, sortait des hôpitaux pour traverser Lourdes épouvantée. Des têtes mangées par l'eczéma, des fronts couronnés de roséoles, des nez et des bouches dont l'éléphantiasis avait fait des groins informes. Puis des hydropiques gonflés comme des outres, des rhumatisantes aux mains tordues, aux pieds enflés, pareils à des sacs bourrés du chiffon. Une hydrocéphale dont le crâne énorme, trop lourd, se renversait en arrière. Puis des phtisiques, tremblant de fièvre, épuisés de dysenterie, la peau livide, d'une maigreur de squelette. Puis les difformités des contractures, les tailles déjetées, les bras retournés, les coups plantés de travers, les pauvres êtres cassés et broyés, immobilisés en des postures de pantins tragiques. Puis de tristes filles rachitiques, étalant leur teint de cire, leur nuque frêle, rongée d'humeur froide, des femmes jaunes, hébétées, dans la stupeur douloureuse des misérables que le cancer dévore, d'autres blêmissantes, n'osant bouger, redoutant le choc des tumeurs dont la pesante angoisse les étouffait. Sur les bancs, des sourdes, ahuries, n'entendaient rien, chantaient quand même. Des aveugles, la tête haute et droite, restaient pendant des heures, tournés vers la statue de la Vierge qu'elles ne pouvaient voir. Et il y avait encore la folle, frappée d'imbécilité, le nez emporté par quelque chancre, qui riait d'un rire terrifiant avec sa bouche vide et noire. Et il y avait l'épileptique, qu'une récente crise avait laissé d'une pâleur de mort l'écume au coin des lèvres. Mais la maladie, la souffrance n'importaient plus depuis que tous étaient là, assis ou couchés, les yeux fixés sur la grotte. Les pauvres visages décharnés, couleur de terre, se transfiguraient, se mettaient à brûler d'espoir. Des mains ankylosées se joignaient, des paupières trop lourdes trouvaient la force de se soulever. Des voix éteintes se ranimaient aux appels du prêtre. D'abord, ce n'étaient que des balbutiements indistincts, pareils à des petits souffles de vent qui se levaient, épars au-dessus de la foule. Ensuite, le cri montait, s'étendait, gagnait la foule elle-même, d'un bout à l'autre de l'immense place. « Marie, conçue sans péché, priez pour nous !» criait le prêtre de sa voix tonnante. Et les malades et les pèlerins répétaient de plus en plus haut. « Marie, conçue sans péché, priez pour nous !» Ensuite, cela se dévidait, s'accélérait encore. « Mère très pure, mère très chaste, vos enfants sont à vos pieds. Mère très pure, mère très chaste, vos enfants sont à vos pieds. Reine des anges, dites un mot et nos malades seront guéris. Reine des anges, dites un mot et nos malades seront guéris. » Cependant, du côté de la chair, M. Sabatier se trouvait au second rang. Il s'était fait amener de bonne heure, voulant choisir sa place, en vieil habitué qui connaissait les bons coins, Puis, il lui semblait qu'il y avait un intérêt capital à être le plus près possible, sous les yeux même de la Vierge, comme si elle avait eu besoin de voir ses fidèles pour ne pas les oublier. Depuis les 7 années qu'il venait, il ne nourrissait d'ailleurs que cet espoir, se faire remarquer d'elle un jour, la toucher enfin, obtenir sa guérison, sinon au choix, du moins à l'ancienneté. Cela ne lui demandait que de la patience, sans que la solidité de sa foi en fût ébranlée le moins du monde. Seulement, un pauvre homme résigné, un peu las d'être ajourné toujours, il se permettait parfois des distractions. Il avait obtenu de garder près de lui sa femme, assise sur un pliant, et il aimait à causer, à lui faire part de ses réflexions. « Cher ami, relève-moi un peu. Je glisse, je suis très mal. » Il était vêtu en pantalon et en veston de grosse laine, assis sur son matelas, le dos appuyé contre une chaise renversée. « Es-tu mieux ?» demanda Madame Sabatier. « Oui, oui. » Puis, s'intéressant au frère Isidore, qu'on avait fini par amener quand même et qui occupait un matelas voisin, couché, le drap au menton, les mains seules dehors, jointes sur la couverture. « Ah, le pauvre homme, c'est bien imprudent, mais la Sainte Vierge est si puissante quand elle veut bien. » Il reprenait son chapelet, lorsqu'il s'interrompit de nouveau en apercevant Madame Maz, qui venait de se glisser dans l'enceinte réservée, si mince, si discrète, qu'elle avait sans doute passé par-dessous les cordes sans qu'on la remarquât. Elle s'était assise à l'extrémité d'un banc. Elle n'y tenait pas plus de place qu'une fillette, bien sage, immobile. Et sa face longue, aux traits lassés, ses 32 ans de blonde flétrie fanée avant l'âge, respirait une tristesse sans bornes, un abandon infini. « Alors, reprit tout bas M. Sabatier en s'adressant à sa femme avec un petit signe du menton, c'est pour la conversion de son mari qu'elle prie, cette dame. Tu t'es rencontrée avec elle ce matin dans une boutique. » « Oui, oui, » répondit Madame Sabatier. « Et puis j'ai causé d'elle avec une autre dame qui la connaît. Son mari est voyageur de commerce. Il la quitte pendant des 6 mois, s'en va avec des créatures. Oh, un garçon très gai, très gentil, qui ne la laisse pas manquer d'argent. » Seulement, elle l'adore, elle ne peut se faire à son abandon, et vient demander à la Sainte Vierge de le lui rendre. En ce moment, paraît-il, il est justement à Luchon avec 2 dames, les 2 sœurs. D'un geste, M. Sabatier interrompit sa femme. Il regardait la grotte, il redevenait l'intellectuel, l'ancien professeur que les questions d'art avaient passionné autrefois. « Vois-tu, ils ont gâté la grotte en voulant trop la faire belle. Je suis certain qu'elle était beaucoup mieux dans sa sauvagerie d'autrefois. Elle a perdu de son caractère. Et quelle affreuse boutique qu'ils ont collée là, à gauche !» Mais il eut le brusque remords de sa distraction. Pendant ce temps-là, la Sainte Vierge ne distinguait-elle pas un de ses voisins plus fervent, d'une meilleure tenue que lui ? Inquiet, il retomba dans sa modestie, dans sa patience, l'œil éteint et sans pensée, attendant le bon plaisir du ciel. D'ailleurs, l'éclat d'une voix nouvelle le ramenait à cet anéantissement, à cette mort du raisonneur lettré qu'il avait jadis été. C'était un autre prédicateur qui venait de monter en chaire, un capucin cette fois, et dont le cri guttural, répété avec insistance, secouait la foule d'un frisson. « Sainte Vierge des Vierges, soyez bénie. Sainte Vierge des Vierges, soyez bénie. Sainte Vierge des Vierges, ne détournez pas la face de vos enfants. Sainte Vierge des Vierges, ne détournez pas la face de vos enfants. Sainte Vierge des Vierges, soufflez sur nos plaies, et nos plaies sécheront. « Sainte Vierge des Vierges, soufflez sur nos plaies, et nos plaies sécheront. » Occupant le bout du premier banc, Au bord de l'allée centrale qui s'encombrait, la famille Vigneron avait réussi à se caser. Ils étaient tous là, le petit Gustave, assis et affaissé, sa béquille entre les jambes. La mère, à côté de lui, suivant les prières en bourgeoise correcte. La tante, Madame Chaise, de l'autre côté, gênée par la foule, suffoquée. Et Monsieur Vigneron, silencieux, qui examinait depuis un moment cette dernière avec attention. « Qu'avez-vous donc, ma chère? Est-ce que vous vous trouvez mal ?» Elle respirait avec peine. « Mais je ne sais pas, je ne sens plus mes membres, et l'air me manque tout à fait. » À l'instant, il venait de songer que cette agitation, ces fièvres, ces bousculades d'un pèlerinage, ne devaient guère être bonnes pour une maladie de cœur. Certes, il ne souhaitait la mort de personne. Il n'avait jamais demandé à la Sainte Vierge une chose pareille. Si déjà elle avait exaucé son vœu d'avancement, grâce à la mort subite de son chef, c'était que celui-ci certainement devait être condamné dans les desseins du ciel. Et de même, si Madame Chaise mourait la première, en laissant sa fortune à Gustave, il n'aurait qu'à s'incliner devant la volonté de Dieu, qui veut d'ordinaire que les gens âgés partent avant les jeunes. Son espoir, inconsciemment, n'en fut pas moins si vif qu'il ne put s'empêcher d'échanger un regard avec sa femme, envahie par la même pensée involontaire. « Gustave, recule-toi » s'écria-t-il. « Tu gênes ta tante !» Et comme Raymonde passait, « Mademoiselle, vous n'auriez pas un verre d'eau? Nous avons là une de nos parentes qui perd connaissance. » Mais Madame Chaise refusa du geste. Elle se remettait. Elle reprit haleine avec effort. « Non, rien, merci. Me voilà mieux. Ah, j'ai bien cru que, cette fois, j'ai tout fait. » La peur la laissait tremblante, avec des yeux hagards dans sa face blême. Elle joignit de nouveau les mains, elle supplia la Sainte Vierge de la sauver des autres crises, de la guérir. Tandis que les vignerons, l'homme et la femme, braves gens, retombaient aux vœux sourds de bonheur qu'ils venaient faire à Lourdes. Une vieillesse heureuse, bien méritée par 20 ans d'honnêteté, une fortune solide qu'ils iraient sur le tard manger à la campagne en cultivant les fleurs. Le petit Gustave, qui avait tout vu, tout remarqué, de ses yeux vifs, avec son intelligence affinée par la souffrance, ne priait pas, souriait au vide, de son sourire perdu et énigmatique. À quoi bon prier? Il savait que la Sainte Vierge ne le guérirait pas, et qu'il mourrait. Mais Monsieur Vigneron ne pouvait rester longtemps sans s'occuper de ses voisins. Au milieu de l'allée centrale, encombrée, on avait déposé Madame Dieu l'a fait, venue en retard. Et il s'émerveillait de ce luxe, de cette sorte de cercueil capitonné de soie blanche, où la jeune femme gisait, vêtue elle-même d'un peignoir rose garni de Valenciennes. Le mari en redingote et la sœur en toilette noire, d'une simple et merveilleuse élégance, restaient debout. Tandis que l'abbé Judaine, agenouillé près de la malade, achevait une fervente prière. Lorsque le prêtre se releva, Monsieur Vigneron lui fit une petite place sur le banc, à côté de lui. Il se permit ensuite de l'interroger.